Aujourd'hui est le 6 juillet 2024. Sayado va parler aujourd'hui de comment les yogis devraient pratiquer la méditation assise. Au début, les yogis ne peuvent pas noter tout ce qui se passe, voir, sentir, ouïr, toucher, goûter, tous ces phénomènes qui apparaissent. Ils ne peuvent pas suivre et noter les choses. Du coup, ils doivent commencer avec les types d'objets plus simples. Dans les textes en pali, on dit yata pakatam vipassana binireso. Ça veut dire que la pratique de vipassana doit commencer avec les objets les plus évidents. Comme quand on cherche à apprendre n'importe quelle matière, n'importe quel sujet, on utilise des textes qui sont faciles à lire. Les yogis doivent chercher à observer n'importe quel phénomène de l'esprit et du corps qui apparaît en eux. Faire ça permet de garder l'esprit sous contrôle. Ça, en ordre à arriver à connaître l'esprit et le corps, Namarupa, qui existent en eux. Mais de ces deux choses, l'esprit et le corps est le plus facile à observer. Donc, on commence en observant les objets physiques. Entre les phénomènes physiques qui existent en nous, il y a les quatre grands éléments. Patavi, Apo, Tesso, Vayu. La terre, l'eau, le feu et l'air. Et il y a la matérialité qui dépend de ces quatre éléments. Il y a du coup deux types. Il y a les blocs des bases qui constituent la matière et la matérialité dépendante. Les blocs basiques sont les plus faciles à voir. De ces quatre types évidents, des matérialités, Vayodhatu, l'élément air qui se passe dans le mouvement rigide et serré, ça est le plus évident des quatre blocs de base. Donc, on commence par ceci. Donner priorité à l'observation de l'élément air est en accord avec le principe Yata Pakatam Vipassana Binibeso. On commence la pratique Vipassana à partir des objets les plus évidents. Dans un premier aperçu des suttas, ceci commence avec l'Anapanasati Sutta, l'attention à la respiration. Mais dans les explications les plus détaillées, on commence avec l'observation de la matière. Et ça inclut aussi Kotasa Bhavana, qui est l'analyse des différentes parties du corps, les cheveux, les poils, les ongles, les dents, la peau. Et ça est en fait Samatha, la méditation de la concentration, qui est focaliser l'esprit sur un seul objet. Mais Vipassana n'est pas Samatha, n'est pas focaliser l'esprit sur un seul objet. Ce que les yogis pratiquent est Samatha combiné avec Vipassana. Ils pratiquent ces deux ensemble. Et ça est fait de façon à voir ce qui est vraiment ici, tel qu'il est. Notre grand bénéfacteur, le feu vénérable Mahasi Sayadaw, pratiquait Anapanasati comme une voie pour pratiquer Vipassana. Et il donnait priorité à l'observation de la matérialité du type rigidité, tension, mouvement, et donnait instruction aux yogis de commencer avec ça. Dans les textes, vous ne trouverez pas les mots soulèvement, abaissement, mais le soulèvement et abaissement commencent avec l'inspiration et l'expiration, qui est Anapanasati. Si on respire normalement et on porte notre attention à la respiration, l'abdomen devient tendu, serré, rigide, il bouge. Et ça est la nature de l'objet qu'on est en train d'observer. Ça est appelé en pali Vayo Potava Dhatu, l'élément air tangible. Ses qualités de mouvement, rigidité et tension. On ne peut pas nier qu'elles sont là. Et tout ce qui est là doit être observé tel qu'il est. Il y a beaucoup de yogis qui ont observé ça dans leur méditation et ont obtenu la connaissance. Et dit en pali, Chakumanto Vapassati, ça signifie que la personne qui a les yeux peut voir, et aussi que la personne qui n'a pas des yeux ne peut pas voir. Ça n'est pas en référence à l'œil physique, mais à l'œil de la connaissance et de la sagesse. Ceux qui développent l'œil de la sagesse peuvent voir les choses telles qu'elles sont. Le Bouddha a dit, Bhutan Bhutato Passati. Bhutan est la chose qui a lieu due à certaines causes qui existent. Il s'est produit en accord avec les causes concernées. Sont appelés Bouddha car il existe en raison de ces causes concernées. Par conséquent, le Bouddha a utilisé ce mot Bouddha pour signifier des choses qui apparaissent en raison d'une cause, des choses qui existent. Quand on parle des choses qui apparaissent en raison d'une cause, tous les êtres, par exemple, tous les êtres qui ont des poumons sont en vie à cause de la respiration. S'ils ne sont pas capables de respirer, ils ne peuvent pas vivre. Ou s'ils vivent, ils ne seront pas confortables. Si on inspire, alors l'abdomen devient rigide et il bouge. Et ça est comment on expérience l'élément air tangible, Vayu Potava Dhatu. Et quand on expire, alors l'élément air qui est rigide et bouge se détend et il devient mou. Et l'inspiration et l'expiration dépendent de l'intention d'inspirer et de l'intention d'expirer. Sans l'esprit, l'inspiration et l'expiration n'ont pas lieu. Dû à cette série d'intentions d'inspirer et expirer, l'inspiration a lieu, l'expiration a lieu. Dû à l'inspiration, le soulèvement a lieu. Dû à l'expiration, l'abaissement a lieu. Donc, on doit comprendre qu'il est à cause de l'intention d'inspirer et de l'intention d'expirer, que le soulèvement et abaissement a lieu. Ils ne sont pas sans cause. La matière qui apparaît, due à une cause, est quelque chose d'évident, et on peut la voir juste devant nous. Quelque chose qu'on peut expérimenter directement, qu'on voit juste devant nous, n'est pas imaginaire. On n'est pas en train de la voir, on est en train de l'inventer. En plus, le mot vijamana est utilisé pour décrire ça. Vijamana signifie ça existe. Ça existe en ce moment-ci, au moment présent. Il a lieu dû à certaines causes. Il est ici en ce moment et il est évident. Ça est ce que le Bouddha a voulu dire en utilisant le mot Bhutta. Le soulèvement et abaissement de l'abdomen, les qualités de dureté, de douceur, fluidité, cohésion, viscosité, chaleur, froid, voir, ouïr, sentir, toutes ces choses sont la réalité ultime, paramattha. Elles existent véritablement et ce qui existe véritablement doit être observé. On doit observer pour voir les choses telles qu'elles sont. Mais comment peut-on voir? Et dans cette phrase, Bhutan Bhutato Passati, Bhutato veut dire tel qu'il est, signifie que quand l'abdomen se soulève, on note soulèvement. Quand il s'abaisse, on note abaissement. La dureté, on l'observe comme dureté. Douceur est douceur. Plier un membre est plier. Étirer est étirer. La façon dont l'objet nous apparaît et comment on l'observe, ça ne devrait pas être deux choses différentes. On doit observer tels qu'ils sont. Quand on est en train de travailler pour calmer l'esprit, pour stabiliser l'esprit, entre les quatre postures, des marches, debout, assise et allongée, la plus stable pour nous pour observer est l'assise. Pour calmer l'esprit, on doit en premier lieu calmer le corps. Et quand on va dans un lieu calme comme celui-ci, et on devient yogi, et on arrive à notre place assis, et on s'assied, la première instruction que le Bouddha a donnée est Palankam Abhujitva, qui signifie s'asseoir avec les jambes croisées ou pliées. Donc, on s'assied en tailleur, mais pas en gardant les jambes serrées ou tendues. Il faut les garder dans une posture en tailleur, mais détendue. Donc, on ne doit pas garder les jambes croisées ou pliées d'une façon serrée. Elle doit être détendue afin qu'on puisse rester assis comme ça pendant longtemps. La deuxième instruction donnée par les Bouddhas est Udum Kayam Panidaya, qui signifie que pendant que les jambes sont croisées et pliées, la partie supérieure du corps est droite et on ne doit pas se pencher vers le sol. Le cou ne doit pas être plié et le dos ne doit pas être plié. On ne devrait pas laisser le cou se plier ni le courber vers le haut. Toute la colonne vertébrale doit être droite, à 90 degrés avec le sol. Certaines personnes chutent ou s'épanchent, mais ça est une façon paresseuse de s'asseoir. On doit s'asseoir avec le dos droit à 90 degrés avec le sol. Car si on fait ça, les os de la colonne vertébrale s'emboîtent l'une contre l'autre. Et si on s'assoit proprement afin que les os de la colonne vertébrale soient bien alignés, alors tôt ou tard, la douleur apparaît. Le Bouddha a donné l'instruction de maintenir les hauts du corps droits afin que les os s'emboîtent les unes aux autres pour être capable de s'asseoir pendant longtemps. Certaines personnes font chuter le corps en faisant reposer les bras sur le corps, en supportant le corps avec les bras. Ça est quelque chose à ne pas faire, est une façon paresseuse de s'asseoir. On ne devrait pas changer de posture en bougeant le corps par-ci et par-là fréquemment. L'instruction suivante est Parimukkam Sati ou Patapetva. Signifie placer l'esprit, l'attention sur l'objet de la méditation et y placer son attention tout de suite. Le soulèvement et l'abaissement qui a lieu dans l'abdomen, chaque fois qu'on inspire et on expire, on doit y porter notre attention pour être prêt à l'observer. C'est comme quand on attend des invités. On doit aller à la porte où ils devront entrer et on les attend ici pour les saluer quand ils arrivent et pour voir aussi quand ils sont en train d'arriver. Ce qui est important est d'être à l'endroit où l'invité arrivera et détourner notre attention ici afin de le voir arriver. Le soulèvement et abaissement se passent dans l'abdomen et est très important d'y placer son esprit, son attention pour l'observer. On devrait respirer normalement. Si on s'assied selon les instructions, la respiration aura lieu de façon naturelle et facilement. Si on respire normalement, le soulèvement et abaissement aura lieu, l'abdomen va bouger et on doit être là pour l'observer. C'est comme aller à l'endroit où l'invité arrivera pour le saluer. Donc, on place à l'avance notre attention sur l'abdomen afin que quand il se soulève, on peut observer les soulèvements immédiatement en le regardant directement, comme on ferait avec notre invité en le regardant dans les yeux quand il arrive. L'abaissement doit être observé de la même façon, en étant prêt à l'observer quand il apparaît, en le regardant vis-à-vis. On doit noter le soulèvement et abaissement quand apparaît. Quand il se soulève, on doit noter soulèvement. Quand il s'abaisse, on doit noter abaissement. On doit faire ces notes, soulèvement, abaissement, avec notre esprit. Mais si on n'arrive pas à le faire avec l'esprit, on peut dire la note doucement pour une courte période. Quand l'esprit et les soulèvements sont vis-à-vis, alors on note soulèvement. On ne peut pas observer sans noter en regardant simplement. Sinon, notre attention deviendra molle et on ne sera plus vis-à-vis. On doit utiliser la note pour aider l'esprit à se connecter précisément à l'objet. Le soulèvement commence quand l'aspiration commence. Donc, il commence à se soulever, il continue à se soulever et les mouvements des soulèvements arrivent à sa fin. Et puis, quand l'abaissement a lieu, on doit chercher à l'observer du début, quand l'expiration commence. L'abaissement commence à avoir lieu. Et donc, on cherche à observer l'abaissement du début en gardant l'esprit sur tout au long du mouvement jusqu'à la fin. Et pour être capable d'observer ça avec un esprit aiguisé du début à la fin, on doit propulser énergiquement l'esprit vers l'objet. Ça est appelé viriya. On doit propulser l'esprit vers l'objet et le viser pour s'y connecter précisément. Ces deux énergies sont très importantes pour le yogi. Quand le soulèvement a lieu, on doit propulser l'esprit pour y arriver et on doit viser l'objet avec l'esprit pour qu'il arrive directement sur place. Quand l'abaissement a lieu, on doit propulser l'esprit afin qu'il puisse se connecter au mouvement d'abaissement et on doit avoir la qualité de viser l'objet afin qu'il puisse arriver directement à l'abaissement. On doit appliquer ces deux facteurs à chaque instant. C'est très important. À cause de l'application de l'énergie mentale en propulsant l'esprit, alors celui-ci ne sera pas mou ou il ne deviendra pas paresseux. Donc, ces qualités n'apparaîtront pas. L'énergie mentale a lieu, donc on aura ces bénéfices immédiatement. À cause de la vigilance énergique de l'esprit, il n'y a pas de superficialité. À la place d'être superficiel, l'esprit est vigilant et énergique. Donc, il n'y a pas de paresse. À cause du visé de l'objet, l'esprit arrive directement à ceci. L'esprit ne pense pas au plaisir sensuel. Il ne pense pas à voir, ouïr, sentir, goûter, toucher de belles choses. Il n'y a pas de kamavitaka, la pensée sur les plaisirs sensuels. Il n'y a pas non plus la pensée de détruire les autres, penser à vouloir être cruel. Ce type de pensées grossières n'apparaissent pas à cause du visé de l'objet. Si on est capable de connaître le mouvement des soulèvements et abaissements, alors dans une minute, on a 60 secondes. Chaque observation, si on a une observation des soulèvements et abaissements chaque seconde, alors il y aura 60 fois dans cette minute où l'esprit sera pur. Et même si on fait une note chaque seconde, ça sera quand même 30 fois par minute où l'esprit sera pur. En faisant ça, on dissipe des choses, des pensées malsaines et on développe kusala, des actes salutaires. Les qualités comme avidité, colère et confusion sont blâmables et sont dissipées, et les bonnes qualités sont développées. Elle dit Atanam Satam Pariyaranti. La personne qui fait des efforts dans la pratique, comme elle dit, elle se rend pure, elle se libère de l'avidité, de la colère et de la confusion. Et ça est le bénéfice immédiat qui vient de la pratique. Si on observe à chaque seconde, cet esprit pur apparaît. Faire ça, seconde après seconde, est appelé bhavana, le développement mental. Pour se comporter de façon à être pur, si on applique la pratique et on observe avec énergie et en visant l'objet, alors on se comportera de façon à devenir pur. Puissiez-vous être capable d'observer avec énergie mentale et en visant l'objet afin de purifier votre esprit. Sadhu, sadhu, sadhu.